J'ai vu des tableaux noirs blanchis de ce qu'on a voulu m'apprendre. Et la perfection d'un détail exposé ses moindres défauts. J'ai vu le soleil naufragé renaître au matin de ses cendres. J'ai lu la seule.